Donald Trump est complètement incompétent, puis il est en train de complètement détruire tous les marchés mondiaux, puis un paquet d'économies, en plus de détruire des retraites de centaines de milliers d'Américains. Pourquoi? Parce qu'il est mal conseillé, puis que c'est un incompétent. Ou peut-être que ça fait partie d'un plan. Parce que ce que Donald Trump est en train de faire, ça va aider le mondialisme. Parce qu'il est en train de tout égaliser. Il est en train de tout sacrer à terre. Ce qui fait que les États-Unis, dont la force, c'est pas nécessairement les ressources, mais la transformation, puis aussi, bon, il reste que ils vont être au niveau de pays du tiers-monde, presque à un moment donné, si ça continue. C'est tellement stupide ce qu'ils sont en train de faire que ça sert le mondialisme. Par exemple, la façon dont les droits de douane sont calculés n'a aucun sens. Si, par exemple, un pays qui a des ressources exporte beaucoup aux États-Unis mais achète peu, tout simplement parce que la population a un pouvoir d'achat moindre ou qu'ils sont pas beaucoup de population, les Américains, Donald Trump plutôt, lui considère ça, puis ses conseillers idiots, comme un déficit commercial. Ils appellent ça un déficit commercial. Donc, ils prennent ce qu'ils appellent un déficit commercial, ensuite, ils le divisent par la valeur des échanges. Ils additionnent ensuite la valeur des importations et des exportations, puis ils appliquent ce qu'eux appellent une réduction en divisant par deux pour en faire un pourcentage qu'ils imposent comme un droit de douane. Ce qu'ils appellent un droit de douane. Mais les droits de douane ne sont pas financés par les exportateurs étrangers. Ils sont financés par les importateurs locaux, nationaux. C'est pour ça que des centaines, peut-être des milliers de compagnies canadiennes, américaines, entre autres, vont fermer et faire faillite. Les agriculteurs américains vont faire faillite. Il va y avoir une vague de faillite extraordinaire et des imbéciles qui sont pas les génies qu'on nous vend. Prenez Elon Musk. Elon Musk, c'est pas le fondateur de Tesla, c'est d'autres qui ont créé ça. Elon Musk, c'est l'héritier d'une famille riche qui vient à la fois d'Angleterre et d'Afrique du Sud, qui a investi de l'argent quand c'était le temps, puis qui a pris le contrôle de Tesla. Mais Elon Musk, c'est un cabochon qui a financé Trump. Puis là, il se rend compte à la dernière minute qu'il va se faire sacrer à terre par cette administration d'incompétents puis d'imbéciles-là. Puis là, comme des enfants d'école sur Twitter, ça se crie des noms avec Navarro et compagnie. Mais là, c'est plus le temps. Là, ce qui est le temps, c'est que les Américains reprennent le contrôle de leur pays. Les gens qui, de Wall Street, les imbéciles qui ont appuyé Trump, doivent maintenant reprendre le contrôle. Les États-Unis, c'est pas une dictature ou un royaume. C'est supposé être une république, c'est supposé être une démocratie. Il faut immédiatement enclencher des processus pour faire en sorte que ce qui a été fait unilatéralement par Trump soit bloqué par la Chambre des représentants, par toutes les tout ce qui est possible pour l'empêcher de continuer cette destruction-là. Pourquoi? Parce qu'au final, si les États-Unis, qui sont la pointe de fer de l'Occident au niveau de l'économie, sont affaiblis à ce point-là, ça va aider le mondialisme. Puis, au fond, ce qu'ils sont en train de faire, ils aident la Chine. La Chine va en sortir plus forte. La Chine, elle a les reins assez solides pour sacrifier jusqu'à un certain point le confort de sa population dans une guerre commerciale. Mais les Américains, eux, ils vont se ramasser avec des troubles sociaux qu'ils n'auront pas la capacité de gérer. C'est pareil pour tout l'Occident. Nous aussi, on va avoir les conséquences de ça. La Caisse de placement de dépôt du Québec, le fameux bas de laine des Québécois, c'est à peine dans le vert un petit peu. C'est certain que ça va tomber dans le rouge, puis finalement, ça va devenir des dettes. Ils sont en train de jouer avec le feu. Ils sont en train de tout détruire, ces imbéciles-là. Puis les gens dans le supramental qui se pensent tellement conscients plus que les autres, qui ont appuyé Trump, qui ont défendu Elon Musk, vous êtes tellement imbéciles, j'ai tellement honte pour vous autres. Moi, à votre place, j'irais me pendre. J'irais me pendre tellement vous êtes des caves. Ils sont vous allez subir vous aussi les conséquences de tout ça. Vous allez subir vous aussi les conséquences de tout ça. Il va y avoir des troubles sociaux sans précédent, c'est évident. Puis les Américains, quand ils sont dans la merde, le seul moyen qu'ils ont de s'en sortir, c'est de financer des guerres. Je soupçonne que Donald Trump est un imbécile qui a été mis là exprès par des gens machiavéliques qui, eux, veulent une guerre au niveau du long terme et finalement qui sont des propagateurs du mondialisme. Tout ça va aider le mondialisme parce qu'on n'aura pas le choix de retourner dans un libre-échange total et absolu pour survivre. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ces gens-là sont réellement des enfants d'école, des imbéciles qui comprennent rien à l'économie transnationale et internationale, qui comprennent rien aux vraies affaires. Donald Trump, c'est quelqu'un qui est arrivé premier dans un concours de circonstances, comme disait Coluche. C'est pareil pour Elon Musk, qui vient de se réveiller. C'est des imbéciles, c'est des crétins, c'est des incompétents. Non seulement ils n'ont pas le niveau rhétorique pour débattre de quoi que ce soit avec nous, n'ont pas la compétence de négocier non plus. Donald Trump, c'est ses propres accords qu'il avait négociés avec le Canada, que c'est lui qui avait négocié ça, que par après il dit qu'il s'est fait avoir, que le Canada est méchant. Puis voyons donc, ces gens-là doivent être stoppés immédiatement, comme Kennedy en 63. Il faut que des gens derrière les rideaux, le fameux Deep State, sauvent les États-Unis, puis sauvent l'Occident en arrêtant ces gens-là au plus